Tu ne sais pas la bêtise que j'ai faite. Damien m'a invitée à dîner et j'ai dit que j'étais prise. Quelle idiote je suis. Ah oui, ce n'est pas malin. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais dû accepter. Quand je pense que j'aurais pu dîner seule avec lui.